بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نرى اليوم بابا جديدا في عمدة الأحكام. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau chapitre dans le livre عمدة الأحكام. وهو باب الجنابة باب الجنابة le chapitre de la janaba. On va expliquer plus tard ce que c'est que la janaba inshallah ta'ala. فذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بالجنابة ومجيباتها. L'auteur dans ce chapitre qu'il cite ce qui est lié à la janaba et ce qu'elle va impliquer obligatoirement. Et ce qu'elle va impliquer obligatoirement. ومعلوم أن من موجبات الجنابة الغسل. Et il est connu que le غسل fait partie des éléments qu'implique obligatoirement la جنابة. Qu'est-ce que الجنابة? الجنابة في الأصل هي البعد. الجنابة, le mot الجنابة à la base, c'est ce qui est éloigné. Ce qui est éloigné. On dit ijtanabtu kaza. Je me suis éloigné de telle chose. Je me suis éloigné de telle chose. Et donc al-janaba à la base, c'est ce qui est éloigné. Wal muradu biha huna inzalul mani. Et ce qui est voulu par le mot al-janaba ici, c'est la sortie du liquide spermatique. La sortie du liquide spermatique. وسمي بهذا أو سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. Et al-janaba a été appelé comme cela, le nom al-janaba. Pourquoi? Parce que le liquide spermatique a délaissé l'endroit dans lequel il est. Ça, l'endroit, donc le liquide spermatique a délaissé sa place. Sa place normale. Le liquide spermatique ne se trouve plus à cette place. Mais il a délaissé cette place pour un autre endroit. C'est pour cela qu'il a cette situation, cette caractéristique qu'a l'individu est appelée El-Janaba. À cause de cela. Vous pouvez trouver donc ces termes dans l'explication aussi de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ensuite, donc, le premier hadith qu'il cite l'auteur dans ce chapitre, il dit « An Abi Hurayrata radiallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, laqiyahu fi ba'di turuqil medina, wa huwa junub. Kala fan khanastu minh, fadahabtu fa'tasaltu thumma ji'it. Kala aina kunta ya Aba Hurayra? Kala kuntu junuban, fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghayri tahara. Kala subhanallah. Inna al-mu'mina la yanjus. » Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré dans une des rues de Médine, alors qu'il était junub. Quelqu'un qui est junub, c'est quelqu'un qui est dans une situation de janaba. Il a donc le liquide spermatique qui est sorti et il n'a pas fait le rousse. Donc il était dans cette situation, Abu Huraira. Il dit: alors je me suis discrètement faufilé, pour s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis je suis allé et je me suis lavé. Puis je suis revenu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: où étais-tu, ô Abu Huraira? Où étais-tu? Abu Huraira qui répond radiallahu anhu: j'étais junuban. J'étais donc en état de janaba. Et j'ai détesté de m'asseoir avec toi en état d'impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire subhanallah. Certes, le croyant ne devient pas impur. Wa hadha al-hadith muttafaqun alayh. Et ce hadith, il a été cité donc dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim. Fa dhakarna anna al-ghusla yajibu ala man kana junuban. Nous avons cité que le rousl est impératif, est obligatoire à toute personne qui est en état de Geneva. Wa hadha bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Et cela avec des preuves du Coran, de la Sunna et l'unanimité des savants. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa in kuntum junuban fattaharu. Et si vous êtes en état de Geneva, alors ittaharu, lavez-vous, faites le rousl. Wa fi hadith Abi Huraira fi sahihayn. Et aussi dans le hadith de Abi Huraira dans As-Sahihayn. Et certes, on verra ce hadith, inshallah ta'ala, plus tard. On va l'étudier. Pourquoi ? Parce que l'auteur, il l'a cité dans ce même chapitre. L'auteur, il l'a cité dans ce même chapitre. Wa fi hadha al-hadith, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha jalasa bayna shu'biha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Il est cité dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si l'homme il s'installe entre ses quatre membres, c'est-à-dire entre les quatre membres de la femme, puis qu'il fait les efforts avec elle, c'est-à-dire le rapport. Alors, à ce moment-là, le rousl est obligatoire. Le rousl est obligatoire. Et il y a aussi le hadith, un hadith encore plus clair montrant l'obligation du rousl par rapport aux ablutions. Innamal ma' ou minal ma'. C'est-à-dire, ce qui est voulu par là, l'utilisation de l'eau est obligatoire lorsque le liquide sort. Ce qui est voulu par l'eau, la deuxième fois, c'est le liquide. Ce qui est voulu par ce liquide, c'est le liquide spermatique. Et donc, il est obligatoire d'utiliser l'eau, donc pour la douche, lorsque le liquide spermatique est sorti. Innama al-ma ou min al-ma. Wal ijma wa qad naqala kathirun min al-ulama al-ijma ala dhalik. Il y a beaucoup de savants qui ont cité l'unanimité sur cela. Qala an-Nawawi fi al-Majmu'a. An-Nawawi, il dit dans son livre al-Majmu'a أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. Il dit les savants sont unanimes concernant l'obligation de faire le rousl lorsque le liquide spermatique sort. فيستفاد من هذا الحديث أن أموات بني آدم ليس من جنس النجاسة. On comprend de ce hadith que les morts parmi les êtres humains ne font pas partie des types d'impureté. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innal mu'mina la yanjus ». Certes, le croyant ne devient pas impur. « Hada lafdun am » C'est une parole qui est générale. « Fi hayatil mu'min wa ba'da mawtihi » Une parole qui est générale durant la vie du croyant et aussi après sa mort. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu touches un mort, que ça veut dire que tu es devenu impur. C'est pas parce que tu touches un mort que ça veut dire que tu es devenu impur. Ensuite, cette parole elle est générale donc pour tous les morts, musulmans et non musulmans. D'accord ? Mais il y a certains savants, ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر طاهر وليس بنجس. La majorité des savants, ils voient que le mécréant, il est tahir, il est pur, et qu'il n'est pas impur. Il est pur, il n'est pas impur. C'est-à-dire que si un mécréant il te prend par la main, après on ne va pas te dire « Ah, lave ta main, t'as touché une impureté. » Le mécréant, il est pur. Il n'est pas impur. Zakar ibn Hajar, fil Fath, أن بعض أهل الظاهر تمسكوا بهذا الحديث فقالوا إن الكافر نجس لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس دليل على أن غيره نجس واستدلوا كذلك بقوله تعالى إنما المشركون نجس. Donc alors j'ai dit Ibn Hajar ici dans son livre Fath al-Bari que certains parmi les suiveurs de l'école Zahirite, ils se sont accrochés à ce hadith. Le hadith qu'on a vu aujourd'hui, le hadith donc de Abi Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Certes, le croyant ne devient pas impur. » Donc, certains savants de l'école Zahirite se sont accrochés à ce hadith et ont dit que le mécréant est impur. Ils ont dit que le mécréant est impur. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Certes, le croyant ne devient pas impur », Cela veut dire, cela est une preuve que le non-croyant devient impur. Est impur, du moins, excusez-moi. Et ils se sont aussi appuyés sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innama al-mushrikuna najas. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, certes, les polythéistes sont impurs. Certes, les polythéistes sont impurs et souillures. Et donc, quel est l'avis le plus juste concernant ce sujet ? جواب الجمهور على أدلة أهل الظاهر أن المراد بالنجاسة في الآية هي النجاسة المعنوية أي الاعتقاد. La réponse de la majorité des savants quant à l'argumentation des savants de l'école Zahirite est que l'impureté qui est voulue dans le verset, certes les polythéistes sont impurs, l'impureté qui est voulue ici, c'est une impureté au sens figuré, c'est-à-dire l'impureté dans la croyance. Ils sont impurs à cause de leur croyance, à cause du polythéisme et de la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont impurs au sens propre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impurs au sens propre. Est-ce qu'il y a une preuve montrant cela ? Na'am, ja'a fi sahih al-Bukhari wa Muslim. قصة ثمامة حينما ربط في المسجد قبل إسلامه ثلاثة أيام. Il a été cité dans le recueil de Bukhari et Muslim l'histoire de Thumama lorsqu'il a été attaché dans la mosquée trois jours avant sa conversion. Trois jours avant sa conversion. À chaque fois, le prophète qui venait le voir, qui disait Thumama, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose? Et lui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu me laisses partir, alors je suis quelqu'un qui remercie, etc., etc. Trois jours comme ça. Il voit les musulmans qui prient, il les voit faire dehors. Il est là, il est attaché. Trois jours, dans la mosquée. Ils ont dit, « Law kan al-mushrik najisan, ma tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hakada fi al-masjid. » Ils ont dit, « Si le polythéiste, il était impur au sens propre. Le prophète, il ne l'aurait pas laissé dans la mosquée comme ça pendant trois jours. Une impureté comme ça qu'on laisse dans la mosquée pendant trois jours, non, jamais. Et donc, le mouchlik, le polythéiste, il n'est pas impur au sens propre, mais au sens figuré, par rapport à sa croyance qui est impure. Et ensuite, tout normal, il se convertit lorsqu'ils l'ont détaché. Et s'est converti à l'islam. Il a dit, subhanallah, il a dit au prophète, il n'y avait pas un visage que je détestais le plus que le tien. Et aujourd'hui, il n'y a pas un visage que j'aime le plus que le tien. Il est resté trois jours, il a vu les musulmans, comment ils étaient. Subhanallah, il a changé. Et c'est pour cela, parfois, tu vois des gens, ils ont une haine contre les musulmans. Ils ont une haine contre eux. Et après, il montre lui, c'est quoi l'islam. Tu verras par la suite. Peut-être qu'il va te dire, il n'y a pas une personne que je détestais le plus que je détestais plus que toi. Il n'y a personne que je déteste plus que toi. Que je détestais plus que toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je t'aime? L'islam, mashallah. Il n'y a pas une religion que je détestais le plus que l'islam. Aujourd'hui, mashallah, qu'est-ce que j'aime l'islam? Tout ça, c'est à nous après de montrer aux gens qu'est-ce que l'islam, la réalité de cette religion. Et donc le corps du polythéiste n'est pas impur. Le corps du polythéiste n'est pas impur. Wa dhakara ibn Hajar min fawaid hadha al-hadith istihbab ihtiram ahli al-fadl wa tawqirihim wa musahabatihim ala akmal al-hay'at. Ibn Hajar il a cité aussi parmi les profits de ce hadith le fait qu'il est recommandé de respecter et d'accorder de la considération aux gens de mérite. Aux gens de mérite. Et de les fréquenter ou de rester en leur présence de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Pourquoi ? Parce que ici, Abu Huraira, il était gêné de rester à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est djunoub, en état de djanaba. وفيه جواز تأخير الاغتسال عند عدم دخول وقت الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان جنبا يمشي في طرق المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه فله أن يجالس غيره ويصافحه وما إلى ذلك. Et donc, il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de faire retarder la douche, le ghusl, après avoir été en état de janaba. Tu n'es pas obligé de faire la douche tout de suite après. Mais tu peux retarder tant que le moment de la prière n'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce qu'on voit clairement dans ce hadith que Abu Huraira, il marchait dans les rues de Médine. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas reproché. Il marchait dans les rues de Médine en état de janaba. Et le prophète ne lui a pas fait le reproche par rapport à cela. Et donc, il peut très bien s'asseoir avec les gens, parler avec eux, rester avec eux, les serrer la main, etc. Les saluer. Il n'y a pas de mal à cela. وَيُسْتَفَادُ كَذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسْلِمُ لَهُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا تَعَجَّبَ مِنْ شَيْءٍ. Les savants, ils ont dit que le musulman, lorsqu'il est surpris de quelque chose, il peut aussi dire « Subhanallah ». Comme le prophète, il l'a dit dans ce hadith. Subhanallah. Il y a aussi un autre terme, Allahu Akbar. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit. Lorsque certains lui ont demandé Ya Rasulallah, ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ô messager d'Allah, accorde-nous dhata anwat, un arbre dans lequel il y a les polythéistes qui recherchaient la bénédiction par un arbre. Ils accrochaient leurs armes sur un arbre, etc. Et donc certains compagnons, ils ont dit « Oh, messager d'Allah, accorde-nous that anwat » comme eux, ils ont that anwat, un arbre comme eux. Le prophète, il a dit « Allahu Akbar » donc une parole pour montrer qu'il est surpris. « Allahu Akbar »« Kultum walladhi nafsi biyadih kama qala binu Israïla li Moussa »« Ij'allana ilahum kama lahum aliha » Allahu Akbar, par celui dont mon âme est entre ses mains, vous avez dit comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité comme eux ils ont une divinité. Et donc Allahu Akbar, ce n'est pas une parole de terrorisme ou de terroriste. C'est une belle parole qui montre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est au-dessus de toute chose, plus grand que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, في هذا الحديث أهمية العقيدة وتعلمه l'importance de l'aqida et d'apprendre l'aqida par rapport au fait que les mouchriquines, les polythéistes, ils ont été qualifiés par l'impureté. إنما المشركون نجس, les polythéistes sont certes impurs à cause de leur croyance, à cause de l'aqida qui n'est pas correcte. Voilà pourquoi le musulman alayhi an yata'allam ma hiya al-aqida as-sahiha. Le musulman doit apprendre quelle est la bonne croyance, contrairement à ce que certains disent, ah l'aqida ça fatigue, ça donne mal à la tête ou. Alhamdulillah, là on a bientôt fini al-lamia. Je pense qu'il n'y a personne qui a eu mal à la tête à cause des cours. Même on redemande encore des doulous d'Aqida. On veut encore apprendre qu'est-ce que la croyance de Al-Sunnah al-Jama'ah. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.